بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في فصل جديد un nouveau fosse de cette risala pour titre da'watu ahli sunnah tarbut an-nas billahi la tarbutuhum ou la tarbutuhum bid-dunya, que la da'wa de la sunnah lie les gens à Allah et non à la dunya. Il faut en sorte que les gens soient accrochés à Allah azawajal et non au bien de ce bas monde. Adam il khasa'is al da'wa, parmi les spécificités de cette da'wa, contrairement à beaucoup de da'wa, de groupes déviants. Qala, wa da'watu ahli sunnati tarbutu al-nas billahi ta'ala, khaliqihim, raziqihim, wa muhiihim, wa mumitihim. Qala Allah ta'ala, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Donc cette da'wa des gens de la sunna lie les gens à Allah azza wa jalla, qui est leur créateur, qui est le pouvoirieur à leur subsistance, celui qui les fait vivre et celui qui les fait mourir. Dans le sens où Allah dit, « Dis, ô Allah, roi de tous les rois, tu accordes la royauté à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu accordes la puissance, la gloire à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. C'est dans ta main que se trouve le bien et tu es certes omnipotent. Tu fais rentrer la nuit dans le jour et tu fais rentrer le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes la substance à qui tu veux, et cela sans rendre le compte. » Al-Imran, verset 26 à verset 27. Donc c'est cela, le verset amène à réaliser que tout ce que l'homme voudrait obtenir, cela ne se l'aura accordé que par Allah Azza wa Jal. Donc les gens peuvent promettre ce qu'ils veulent, peuvent appeler ce qu'ils veulent, c'est Allah qui donne et c'est Allah qui retire. C'est Allah qui donne et c'est Allah qui retire. Comme dans le fameux dua que l'on dit après les salawat, la mu'ti lima mana't wa la mani' lima atait wa la nafa' minka dha jaldat jadd. Que personne ne peut empêcher ce que tu as donné, ce que tu as donné, personne ne peut donner ce que tu as empêché, ce que tu as retenu. Personne ne peut donner ce dont tu prives et personne ne peut priver selon ce que tu donnes. Naam. Qala fa da'watu ahli sunnah la tarbutu an-nas bi madda wa la bi wadhifa wa la bi jam'iyyah. Inna ma yuraghibuhum fi al-jannah kama kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'al la yu'liku ashabahu bil mal. Donc cette da'wa des gens de la sunnah ne fait pas que les gens s'accrochent au matériel, ni aux postes, aux fonctions, ni aux jam'iyat, aux associations de bienfaisance, comme il le prétend. Mais cependant, il faut en sorte que les gens aient envie d'aller au Jannah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec ses compagnons. Il n'accrochait pas ses compagnons par l'argent. Voilà quand il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il فحفرها عثمان رضي الله عنه. Car par exemple, il leur disait, celui qui fait telle et telle chose, il aura le Jannah. Comme il l'a fait en guise d'exemple avec Othman, lorsqu'il a dit, celui qui creusera le puits de Roma, il aura le Jannah. Alors Othman l'a fait. وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزها عثمان. Il a dit, celui qui prépara les troupes de Usra, il aura le Jannah, le paradis. Et c'est Othman qui s'en est chargé. Allah dira non. وقال للمرأة التي اشتكت أنها تصرع وتتكشف وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا تكشف فدعا لها. Également comme cette femme qui était prise de crise comme de l'épilepsie ou ce qui y ressemble, et qui tombait souvent dans les pommes, s'évanouissait, et de là se sa aura, ses parties intimes se découvraient. Donc elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour elle. Il lui a dit, si tu veux, tu patientes et tu auras le Jannah comme récompense. Et si tu veux, j'invoque Allah qu'il te guérisse. Elle a dit, je patiente. Mais cependant, je me découvre lorsque cela m'arrive. Alors invoque Allah que je ne me découvre plus. Elle a invoqué pour elle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'attirait pas les gens en leur promettant des choses mondaines. Bien que cela fût fait avec certaines personnes qui étaient faibles de foi ou qui étaient encore dans le kouf. Cependant, la récompense finale qu'il leur promettait était le Jannah et non pas les biens mondains. Il nous attirait pas en disant, si vous êtes avec nous, on vous donnera telle chose. Si vous êtes avec nous, on vous donnera telle chose. Ce n'était pas la dawa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ni celle des gens de la sunnah. قال وعن جابر رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي ولو الجنة. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Jabir, il a demeuré à Mecca durant 10 ans, c'est-à-dire en tant que prophète et messager. Car il a vécu à Mecca avant cela. Mais après que la prophétie et le message soient parvenus, il a vécu pendant 10 ans à Mecca. Et qu'il suivait les gens dans leur maison pour faire sa da'wah en leur disant « Qui donc m'apporte abri? Qui me porte secours ?» afin que je retransmette le message de mon Seigneur. Celui qui fait cela, il aura le Jannah comme récompense. قَالَ حَتَّى إِنَّ رَجُلَ لَيَخْرُجْ مِنَ الْيَمَنِ أَوْ مِنَ مَدَرْ كَذَا قَالَ فَيَأْتِهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ اِحْذَرْ غُلَمْ قُرَيْشِ لَيَفْتِنُكَ وَيَمْشِ بِنَ رِجَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ حَتَّى بَعَثْنَا اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ يَثْرِبْ فَأَوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ ثُمَّ تُمِرُوا جَمِيعًا. Que également Jabir disait que à tel point que des fois des gens venaient du Yémen pour se rendre à Mecca ou de d'autres contrées. Et que de là, les gens de Mecca venaient le voir, cet homme-là, ce nouvel arrivant, et lui disaient, fais attention, attention aux jeunes de Quraysh, qui ne t'éprouvent pas, qui ne t'éprouvent pas, qui ne t'égarent pas. C'est-à-dire, mettant en garde contre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors que cet homme-là marchait entre les gens, et ces derniers indiquaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec leurs doigts, en le montrant du doigt, celui-là, attention à celui-là. Donc, il mettait en garde contre lui durement. Ce qui est une chose qui démontre que celui qui appelle à la vérité sera éprouvé par les gens. Et Jabir dit, jusqu'à ce que Allah nous envoie vers lui de Yathrib. Yathrib, à la base, c'était le nom de Médina auparavant. Ça s'appelait Yathrib. Après, c'est devenu le Médina. Donc, il dit, nous sommes rendus auprès de lui. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons cru. Il disait, Jabir, qu'un homme d'entre nous se rendait auprès de lui et se mettait à croire en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récitait le Coran, puis il retournait auprès de sa famille. Et de là, les gens de sa famille également embrassaient l'islam. À telle époque, il ne restait plus une maison parmi les maisons des Ansar, sans qu'il ne se trouve un groupe de muslimines. C'est-à-dire que la da'wah s'est propagée et qu'il laissait apparaître l'islam. Qala فَكُلْنَا حَتَّى مَتَنَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَمْ يُتْرَدُوا مِنْ جَبَلْ مَكَّةِ وَيَخَفْ فَرَحَلَ إِلَيْهِمْ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُولًا. Et il disait, jusqu'à quand allons-nous laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam errer dans les montagnes de Mecca, c'est-à-dire délaissé par son peuple, dans la peur. Et de là, nous envoyèrent vers lui 70 hommes afin de lui annoncer qu'il pouvait venir auprès de nous, c'est-à-dire à Al-Medina. Et de là, le hadith continue, le plus long, mais ça c'est le shahid du hadith. Qu'après, ils se rendent auprès de lui et qu'ils lui portèrent allégeance et ainsi de suite. Et cela démontre également que celui qui appelle une darwa, il se peut que sa darwa ne soit refusée par les gens de sa contrée et soit acceptée par les gens à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, le shahid de cela, c'est que celui qui appelle à cette da'wa des gens de la sunnah, il ne fait que promettre aux gens la promesse d'Allah Azzawajal, et non pas des biens de ce monde. Et non pas les biens de ce monde. Naam. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, « وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى » Que la dernière, c'est-à-dire la vie de l'au-delà, est meilleure pour toi que celle de ce bas monde. « وَقَالَ عَزَوَجَلْ مَعِنَكُمْ يَنْفَادْ وَمَعِنْدَ اللَّهِ بَيَقْ » Ce qui auprès de vous s'épuisera, et ce qui auprès d'Allah demeure. « وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ » أول الآخرة خير لكم من الأولى سيبير الدوحة verset 4 وما عندكم ينفاد ce qui auprès de vous s'épuise ça c'est النحل les abeilles verset 96 donc là c'était le khulasa du bab d'aujourd'hui que la da'wa de ces gens-là des gens de la sunnah est basée sur le fait d'attirer les gens par la récompense de l'au-delà rien de plus et bien évidemment celui qui agit en bien parmi les promesses que Allah Azza wa Jalla a fait serviteur qui leur apportera la sécurité et la puissance sur terre, c'est-à-dire dans leur cœur, et la fierté, contrairement à celui qui s'oppose à son ordre, qui lui sera avili, qui sera rabaissé. Naam. فَهَذَا وَالَّذِي أَخَذْنَا الْيَوْمِ وَالْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ